Chapitre 9e. Ah, vous nous abandonnez, fit Madame Brun en pinçant les lèvres, le jour où le jeune ingénieur vint lui annoncer son prochain départ. Vous nous abandonnez. Chartres ne vous suffit pas. Il vous faut un milieu plus large, Paris. Rien ne peut rendre le mépris avec lequel la bonne dame prononçait ce mot « Paris ». Eh, fit Marcel, toujours disposé à la conciliation. On ne peut pas se clapemurer dans une ville de province pour toute sa vie. On fait ordinairement des étapes dans d'autres grandes villes. André a eu le bonheur d'être appelé à Paris du premier coup. C'est exceptionnel, mais aussi, c'est pour prix de service exceptionnel. Oh, chacun sait que ce n'est pas la chance qui manque à Monsieur André, fit la dame. Son mari eut beau lui jeter un regard plein de reproches, elle n'en tint pas compte. Et alors, vous vous en allez comme ça, tout de suite ? Pas absolument tout de suite, répondit André en souriant. Il se sentait gai ce jour-là. Il avait presque envie de taquiner sa redoutable adversaire. Marcel vint à la rescousse et la conversation fut très animée pendant quelques instants. La petite nièce, appuyée au montant de la porte, suivant son habitude, écoutait les yeux grands ouverts. Tout à coup, elle prit la parole, chose inouïe. « Vous vous en allez pour tout à fait ?» dit-elle à André sans cérémonie. « Je reviendrai souvent voir mes amis, mademoiselle, » répondit poliment le jeune homme. « Oui, mais vous ne demeurerez plus ici. »« Non, mademoiselle, à mon grand regret. » Brigitte regarda sa tante d'un air qui signifiait clairement « Vous vous êtes moqué de moi ?» Puis elle reporta ses yeux sur l'ingénieur avec une persistance méchante. « C'est bien la peine de s'attacher à ses amis, » reprit Madame Brun avec un dépit croissant. « On se donne tout le mal du monde pour leur être agréable et... puis crac ! Ils s'en vont un beau jour sans plus se soucier de vous que si vous n'existiez pas. »« Herminie, » fit Brun d'un ton de reproche, « tu dois comprendre qu'on ne tient pas ses amis au bout d'un fil. Crois-tu qu'André nous aime assez peu pour nous oublier ?» Gêné par la tournure que prenait la conversation, l'ingénieur fit quelques phrases sonores sur les droits et les devoirs de l'amitié, puis se leva pour se retirer, car il se sentait mal à l'aise. Les yeux perçants de Brigitte l'accompagnèrent jusque sur le seuil, bien qu'elle eût répondu à son salut par un simple signe de tête. Marcel était sorti avec son ami pour pallier ce que l'accueil de Madame Brun avait eu de désagréable. Brigitte vint se placer en face de sa tante qui, maussade, baissait la tête et ne disait rien. « Ma tante, vous m'aviez promis que ce monsieur m'épouserait ?»« Ta, ta, ta !» fit l'irascible Herminie d'un ton courroucé. « Je ne t'ai rien promis du tout. »« Vous m'aviez dit ?» reprit imperturbablement la petite. « Sois gentil, et ce monsieur t'épousera. » »« J'étais gentil, très gentil même, et c'était assez difficile. »« Vous voyez pourtant qu'il s'en va et qu'il ne m'épouse pas. »« Que veux-tu que j'y fasse ?» s'écrit Madame Brun, poussée à bout par cette logique. « Je ne puis pourtant pas le forcer à te demander en mariage. » Brigitte réfléchit. Évidemment, sa tante avait raison. Une autre idée lui vint. « C'est très bien, donc il ne voudra pas se marier avec une autre demoiselle. Mais si cela lui arrivait ?»« Eh bien quoi, si ça lui arrivait ? Tu n'irais pas lui jeter du vitriol à la figure, peut-être ?»« Oh, du vitriol, non, » répondit tranquillement Brigitte. « Vous voyez comme elle est méchante, » fit Madame Brun, qui ne put s'empêcher de rire. Mais les sourcils froncés, le petit nez plissé, les yeux sournois de sa nièce, lui donnèrent à penser. « Ah ça, Brigitte, j'espère que tu ne feras pas de bêtises. Il ne manque pas ici de jolis messieurs qui feront mieux ton affaire que ce beau fils d'ingénieur. Il faisait trop d'embarras pour nous, aussi. Un garçon plus simple nous conviendra davantage. Il n'aura pas l'air de nous faire une grâce en venant chez nous. C'est celui-là que je voulais. » grommela Brigitte entre ses petites dents pointues. Mais sa tante n'y prit pas garde. D'ailleurs, elle avait sa propre déconvenue pour l'occuper et ne se souciait pas de s'embarrasser de celle de sa nièce, à laquelle elle n'attachait guère d'importance. Le départ de Juste André fit grand bruit dans Chartres. Il eut contre lui tous les envieux que son avancement rapide blessait comme une injure personnelle. Il eut ensuite les femmes veuves ou demoiselles qui avaient espéré l'amener à un second mariage, car personne ne considérait comme définitif le veuvage d'un homme de 27 ans. Au milieu de ces clameurs discrètes et des regards pleins soit d'ironie soit de reproche, qui le perçaient comme autant de flèches, André, très calme, procédait aux préparatifs de son déménagement. Quand tout fut prêt, il se rendit un soir chez Florence, dans la maison alors inhabitée où il avait retrouvé Rose. En l'apercevant, la vieille femme tressaillit. « Que me voulez-vous, monsieur ? dit-elle d'une voix tremblante. « Dieu sait si je pensais vous voir jamais entrer dans cette maison. » « Je ne m'y attendais pas non plus, » dit-il en regardant autour de lui avec une émotion douloureuse. « Je quitte Chartres, » ajouta-t-il. « Je n'y reviendrai jamais, sans doute. Je voudrais me remettre les effets de notre maîtresse qui, jusqu'ici, sont restés chez moi. Ils ne m'appartiennent pas. J'ai pensé qu'ils seraient mieux placés entre vos mains que dans les miennes. Si vous retrouviez un jour quelques membres de la famille de celle qui a été ma femme, vous pourriez... » Florence secoua la tête. « Elle n'avait pas de famille, » dit-elle tristement. « Depuis la mort de sa mère, c'est moi qui avais été tout pour elle. Mais vous avez raison, monsieur. Ces tristes reliques seront mieux dans mes mains. » Elle s'arrêta, puis reprit timidement sur le ton de la prière. « Dites-moi, monsieur, son pauvre corps, on ne l'a pas retrouvé ?» André fit signe que non. La vieille femme hésita, puis à voix basse. « Et si elle n'était pas morte, monsieur, si elle s'était enfuie, par peur d'être appelée devant la justice pour le mauvais coup qu'elle a donné à monsieur ?» Les yeux démesurément ouverts, André regarda la fidèle servante. « Est-ce que vous auriez entendu parler d'elle ? » dit-il effrayé. L'idée que Rose pouvait vivre encore lui causait, il ne savait pourquoi, un épouvantable frisson. « Non, monsieur, c'est une supposition que je fais. » Elle le regardait d'un air suppliant, comme pour lui suggérer cette idée. Il répondit froidement. « La Meuse ne rend pas tous les corps qu'elle reçoit. Depuis 2 ans bientôt, on aurait entendu parler de votre maîtresse. Elle aurait mis son nom sur quelque affiche. Elle est bien morte, allez !» L'amertume de sa voix fit monter des larmes aux yeux de Florence. « C'est bien, monsieur, » dit-elle humblement. « Je recevrai les effets de madame quand monsieur voudra me les envoyer. »« Au revoir, Florence, » dit le jeune homme en se dirigeant vers la porte. « Adieu, monsieur, » répondit-elle. La porte se referma sur cette maison, désormais pour André semblable à un sépulcre. « Il a beau dire, » pensa Florence quand elle fut seule, « je ne suis pas si sûre que madame soit morte. » Pour monsieur, ce n'est pas étonnant qu'il le croie, il en a tant d'envie. Elle soupira et retourna à sa chambre solitaire. Le lendemain, André quitta Chartres.